Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Louise Pommery, une veuve à la conquête du Champagne. Pas facile d'être veuve dans la société corsetée du 19e siècle. Vous souvenez-vous de Scarlett O'Hara, jeune veuve de la guerre de sécession, en noir de la tête aux pieds, surveillée par son chaperon, mais qui, au bras de Red Butler, va braver l'interdit qui lui est fait de danser et envoyer promener sa réputation de veuve éplorée. Mais au XIXe siècle, quand la Française n'est qu'une éternelle mineure passant de la tutelle de son père à celle de son mari, le veuvage peut curieusement se révéler une clé de son émancipation. Regardez Louise Pommery. Tout destinait cette bourgeoise de Reims à la vie domestique et anonyme d'épouse et de mère. Lorsque patatras, en 1858, à l'âge de 39 ans, la voit la veuve. Et en plus de son chagrin, face à un choix cornélien, doit-elle, saura-t-elle reprendre les rênes de l'entreprise de son mari, de Champagne, Pommery et Grenot? Louise Pommery, contre toute attente, va se lancer dans l'aventure, se prendre au jeu même, et se révéler une redoutable chef d'entreprise et bâtisseuse, hissant la marque veuve Pommery à la fin du 19e siècle, dans le cercle très fermé des grandes maisons de Champagne. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Yves Tesson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du Champagne. Bon, il y a pire hein, comme spécialité. Tout à fait. Louise Pommery n'est pas, on le sait, la seule veuve, la seule femme à avoir donné son nom à un Champagne. Vous nous expliquerez peut-être ce mystère tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Alors, est-ce que j'aimerais, Yves Tesson, si vous voulez bien, avant que je raconte l'histoire de Louise Pommery à partir de 1858, c'est que vous nous rappeliez justement l'histoire du Champagne jusqu'à cette date. On dit souvent que c'est un moine, Dom Pérignon, qui au XVIIe siècle aurait inventé le champagne, c'est vrai ? Alors, Dom Pérignon est un des pères spirituels de la Champagne, mais c'est plus un des premiers grands œnologues en fait. Apparemment, il était très fort dans les assemblages, non pas des assemblages de vin clair comme aujourd'hui, mais c'était des assemblages en fait de raisins qui se faisaient sur le pressoir. Et donc apparemment, c'était un excellent goûteur. Après, en ce qui concerne l'effervescence, c'est d'abord une mode anglaise qui apparaît au XVIIe siècle. L'effervescence, donc le fait de faire des bulles, le fait de faire des bulles, des bulles pétillantes. Exactement. En fait, c'est une conjonction de plusieurs choses. D'abord, la Champagne, c'est une région très septentrionale. On la situe exactement où? Parce qu'on ne sait pas très bien. Toujours on dit le Champagne, c'est par là, là, à l'est. C'est le nord-est, hein. Oui, voilà. C'est ça. C'est autour de Reims, c'est Pernay. Exactement. Vous avez la montagne, ce qu'on appelait la montagne, et puis la rivière, la vallée de la Marne. Voilà, c'est le cœur de la Champagne. Et comme on est très au nord, c'est la frontière septentrionale de la vigne, hein, pendant longtemps, eh bien, souvent la fermentation était coupée, comme on est en âge très tardive, était coupée par le froid, et reprenait au printemps dans les tonneaux. Et donc dans les tonneaux, eh bien, du coup, ça crée une effervescence, mais qui s'en allait, parce que les tonneaux sont pas des contenants très hermétiques. Au début, c'était pas volontaire, c'était quelque chose voilà, de naturel. Un peu accidentel. Et qu'on ne maîtrisait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe en Angleterre au XVIIe siècle? Eh bien, il y a une révolution autour de la bouteille. C'est-à-dire que le roi d'Angleterre veut renforcer sa puissance navale. Il essaie de restreindre l'usage du bois chez ses industriels qui utilisent du charbon. Et avec du charbon, on obtient un verre plus résistant. Les marchands londoniens se mettent à tirer le vin en bouteille. Et, accidentellement, le même phénomène se produit dans les bouteilles qui s'étaient produites dans les fûts, sauf que le contenant est hermétique, et donc l'effervescence reste. Là-dessus, vous avez une aristocratie anglaise un petit peu marginalisée du pouvoir, qui cherche des moyens un petit peu de se démarquer, et qui s'en tiche de ce brisque champagne. Voilà, c'est comme ça que le champagne naît, et si vous voulez, le génie des négociants champenois, ça a toujours été d'écouter le goût de leur clientèle, et donc ils vont adopter cette mode, et surtout, ils vont parvenir à maîtriser cette seconde fermentation, et cette maîtrise, elle va se faire sur plusieurs siècles, oui, sur le temps ça. Très long. Oui. Jusque dans les années 1830, le champagne est un investissement risqué, je crois, car la production donc n'est pas sûre, on ne maîtrise pas très bien la fabrication, donc l'effervescence. Et donc, ça s'adresse à une clientèle plutôt aisée. Très riche, très riche. On dit un champagne, c'était à peu près au XVIIIe siècle trois fois le prix d'un grand Bourgogne. Et pourquoi en fait? Parce que justement, cette seconde fermentation, on ne la maîtrise pas. On ne sait pas en fait quelle est la quantité résiduelle de sucre dans le vin. Oui, c'est juste au goût comme ça qu'on voilà. on le fait à la dégustation, et donc en fait au moment en fait pour provoquer la seconde fermentation, pour l'accentuer, alors qu'est-ce qu'on faisait d'abord? On tirait plus ou moins tard le vin, donc les levures avaient plus ou moins mangé le sucre, mais il fallait qu'il en reste quand même pour provoquer cette seconde fermentation, et donc parfois, on rajoutait du sucre, ce qu'on appelle la liqueur de tirage, pour renforcer cette seconde fermentation. Et le problème, c'est qu'on ne savait pas quelle quantité de sucre il fallait pour avoir une fermentation optimum, puisqu'on n'était pas capable de mesurer le sucre résiduel dans le vin. Et donc, on avait des taux de casse qui pouvaient être absolument colossaux. Parfois, on avait 50-60% des bouteilles qui explosaient. Ou alors, au contraire, on n'avait pas du tout d'effervescence ou une effervescence moyenne. Si bien que vous aviez des qualités différentes selon la quantité d'effervescence que vous aviez. C'est comme ça qu'on avait, par exemple, les tisanes de champagne au 19e siècle, qui avaient un succès fou en Angleterre, et qui en réalité étaient des champagnes de seconde fermentation un peu manquées, donc un peu moins effervescentes. Pourquoi on appelait ça une tisane ? Alors, bonne question. C'était pas une tisane, c'était pas chauffé. Non, c'était pas du tout une tisane. Oui, non, d'accord. Non. Alors, c'est dans les années 1830 qu'on commence vraiment à maîtriser scientifiquement ce qu'on appelle la seconde fermentation, justement. C'est là qu'on arrive à mesurer le taux de sucre. Alors oui, c'est un pharmacien chalonnais qui s'appelle Jean-Baptiste François et qui met au point une méthode. En fait, il chauffe le vin et donc à partir de là, il mesure la quantité de sucre qu'il faut pour avoir une effervescence optimale. Et donc là, si vous voulez, c'est la rupture. C'est à partir de ce moment-là où le champagne va quand même un peu plus se démocratiser et va s'industrialiser aussi, et où les négociants vont se spécialiser, parce que tous ces négociants, très souvent, la veuve Clicquot, etc., ils avaient aussi d'autres affaires un petit peu à côté, dans la banque, dans le textile, etc., et ils vont se concentrer sur le champagne. Parce qu'on arrive à faire une production plus sûre et donc de la développer. Exactement. C'est ça l'idée. Exactement. D'accord. Après, il y a eu aussi un apport des négociants germaniques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles allemandes qui se sont greffées sur ces familles champenoises. Il y avait beaucoup d'échanges déjà dans le textile. Et qui vont apporter leur vision industrielle du vin. Alors, la famille Moum, pas mal de mariages arrangés. Beaucoup de mariages, évidemment. parce que bon, évidemment, c'est des gendres idéaux, ils sont bien rigoureux, etc. Et en même temps, ils apportent la vision allemande du vin qui est une vision beaucoup plus d'un vin de cave, en fait. C'est la cave qui compte, et le raisin, c'est plus, au début, une matière première. Et finalement, la cave permet de rattraper, si on a une bonne technique, si on a des bons outils industriels, permet de rattraper beaucoup de choses. Donc, ça va se mixer les deux ensemble. On a l'aspect terroir, agricole, vision française, qui fait un cocktail extraordinaire avec la vision allemande du vin, et les deux vont donner naissance au champagne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Une aventure européenne, déjà. Yves Tesson, nous poursuivrons cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Louise Pommerie, une veuve à la conquête du champagne, un texte de Corinne Clompe, écrit spécialement pour Autant porte l'histoire. Réalisation Juliette Eman. Depuis la disparition brutale d'Alexandre, je tourne en rond à en perdre la raison. Impossible de rester seule avec mon chagrin. Je suis assaillie par les soucis d'argent, d'héritage. Je n'entends rien aux affaires dont il s'occupait. J'ai vécu dans son ombre. Je ne suis pas préparée à lui succéder. Diriger une maison de champagne, pure folie. De ma vie, je n'ai jamais travaillé. Du reste, je ne l'apprécie guère, leur fameux nectar. Je n'en bois pas. Trop sucré, trop mousseux. Je préfère ces vins que l'on dit tranquilles, sans toutes ces bulles qui vous irritent la gorge. Et puis j'ai ma fille à élever. Mon cher ange, mon bébé. Ma place est auprès de la cheminée, à prendre soin de mon foyer, de mes bonnes œuvres. Mon pauvre Alexandre, pourquoi m'as-tu abandonné ? Reims, février 1858. À 39 ans, Louise Pommerie devient veuve. Son mari Alexandre a succombé à une attaque. Il lui laisse un fils de 17 ans, une petite fille de quelques mois et une modeste entreprise de champagne, Pommerie et Grenot, qu'il avait reprise un an plus tôt après avoir fait fortune dans le commerce de la laine. Pommerie et Grenot appartient à la troisième génération des maisons de champagne, née après les marques Ruinard, Lançon, Mouette, Clicquot, Roederer, Mumm ou Heidsieck. Au XIXe siècle, les vignes se transmettent d'époux à épouse ou au premier enfant, quel que soit son sexe. Mais le fils de Louise est loin d'être majeur et le temps presse. Narcisse Grenot, l'associé de feu M. Pommerie, doit assurer l'avenir de la maison. Peu après l'enterrement, il rend visite à la veuve dans son hôtel particulier de la rue Vautier-le-Noir, près de la cathédrale de Reims. Entrez. Madame, je m'en veux de troubler votre deuil. Vous allez m'aider à trier les vêtements de mon mari. Ils seront utiles à de pauvres gens. Je n'arrive pas à y croire. Un homme si jeune, si doué pour le commerce. Ce bon monsieur Pommery était devenu ma nouvelle famille. Alexandre, vous considérez comme un frère. Donnez-moi la veste noire dans l'armoire, je vous prie. Avec le pantalon gris. Et le chapeau ? Le chapeau, je le garde. Pour mon fils. Madame, j'ai de bonnes nouvelles malgré tout. Les vins de Pommery et Grenot sont de grands crus. Notre petite maison se porte bien. Non. Je vous assure, je peux vous montrer les chiffres. Je veux dire, ne comptez pas sur moi. Cherchez un nouvel associé. Avez-vous bien réfléchi ? Il faut préserver votre patrimoine familial pour l'avenir de vos enfants. Alexandre ne connaissait rien en Champagne. Vous lui avez tout appris. Vous trouverez quelqu'un de confiance. Le moment me semble mal choisi. Votre mari et moi avons engagé beaucoup de capitaux. Nos stocks de vin sont considérables. Monsieur Grenot, j'aurais tant voulu vous aider en mémoire de... Mais je me sens incapable. Ma pauvre enfant, asseyez-vous. Ce n'est rien. Soyez raisonnable. Calmez-vous. Respirez. Voilà. C'est fini. Non, non, non, non. Restez assise. Je me donne en spectacle. Pardon. Louise, c'est à moi de vous demander pardon. Dans votre situation, osez vous importuner. Vous ne m'importunez pas. Oubliez ma requête et le champagne. Prenez soin de vous, de votre famille, d'accord ? Oui. Et ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Je ne sais plus où j'en suis. Ce cher Grenot s'est montré rassurant. À l'entendre, tout sera bientôt réglé. Je t'ai réveillé, mon trésor ? Ne pleure pas, maman est là. Ah, maintenant que te voici dans mes bras, tu souris. Tu ris même. Coquine. Au fond, je suis comme toi, traversée par des élans contradictoires. Je me sens tour à tour triste et sereine, affreusement perdue ou terriblement libre. Un jour, j'ai envie de dire non. Un autre, j'ai peur de dire oui. Qui pourrait m'éclairer ? Vous avez une vue splendide sur Épernay. Et tous ces vignobles, ils sont à vous ? Je les ai acquis un par un, parmi les meilleurs crus. Par pitié, marchez moins vite ! Mon corps n'a plus la légèreté des bulles de mon Klikovskoye. Pardon ? Klikovskoye, veuve Klikov pour les Russes. C'est ainsi qu'ils surnomment mon champagne, ils n'en boivent pas d'autres. Alors, chère veuve Pommery, prête à vous lancer dans la folle aventure du vin effervescent ? Je l'ignore. Vous doutez ? Mauvais signe. Qu'attendez-vous de moi ? Des conseils ? Quelle horreur ! Si j'avais écouté ce que l'on m'a prodigué il y a plus d'un demi-siècle, à la mort de mon époux, je ne serais pas là à vous faire profiter d'un beau matin d'hiver dans le parc de ce château de Boursault que le monde entier m'envie. Et où seriez-vous ? Sous terre, depuis une éternité, rongé par l'ennui, le chagrin, les regrets et les conseils de mes proches. Nous ne sommes pas proches, je ne risque rien. Mais moi, si. Vous êtes une future concurrente, qui sait ? Votre maison n'a aucun souci à se faire. Combien de bouteilles produisez-vous par an ? Près de 700 000. À peine 30 000 chez Pommery et Grenot. Vous avez une légère avance. Avec du talent et du courage, tout est possible. J'en suis la preuve. Ne comptez pas sur mon aide. Le commerce, ma chère, c'est la guerre. La guerre ? Très bien. Je pensais... qu'entre femmes, entre veuves, nous pourrions... Au revoir, madame Keiko. Navrée de vous avoir dérangée. Où pourrez-vous ainsi ? Allons bon, moi qui déteste l'eau. Attendez-moi, que diable ! Cela va mieux? Vous commencez à vous réchauffer? Oui, merci. C'est le moment que je préfère. À 81 ans passés, je ne laisse à personne le soin d'ouvrir mes bouteilles. Vous en buvez souvent? Beaucoup? Quelle indiscrète! Une veuve ne livre pas ses secrets de jouvence à la première venue. Vous voulez bien ramasser le bouchon s'il n'a pas terminé son vol dans l'âtre de la cheminée? Merci. Vous voyez ces trois lettres? Oui, VCP. Veuve Cliquot... Ponsardin. Mon patronyme de naissance. C'est moi qui ai rebaptisé la marque. Pour la première fois, un champagne porte le nom d'une femme. Bravo. Trinquons. Aux femmes. Aux femmes d'exception, qui ne sont ni des courtisanes, ni des ménagères, mais qui font aussi bien, voire mieux que les hommes. Alors, verdict? Eh bien, il n'est pas mauvais. Pas mauvais? Ma chère, quel cruel manque de vocabulaire. Pas mauvais, mon veuve Cliquot 1855. Un cru somptueux. Non, je veux dire, il est bon. Il est très bon. Arrêtez, très bon. C'est pire. Prenez exemple sur Pouchkine. Il compare mon vin, béni des dieux, à la fontaine d'Hippocrène où les poètes puisaient l'inspiration. Ou bien sur la duchesse de Pompadour. À propos du champagne, elle disait... C'est le seul vin... Qui rend la femme belle après boire. Bien. Vous avez un peu de culture. Tout n'est peut-être pas perdu. Dans votre bouche, cette phrase sonne comme un merveilleux encouragement. Le rire et le champagne forment un très joli couple. Vous verrez. Oubliez vos doutes. Faites confiance à votre intelligence. Agissez avec audace. Et méfiez-vous des hommes... Toujours prêts à vous rabaisser. Compris? Oui. Une dernière chose. Attendez que je sois morte avant de devenir la nouvelle reine de Reims. Je vous le promets. Louise Pommery n'hésite pas longtemps. Fin février 1858, elle signe son premier courrier commercial et déclare... Moi, Madame Pommery, j'ai pris la décision de continuer le commerce et de me substituer à mon mari. Narcisse Grenot ne cache pas son soulagement, car sa nouvelle associée s'est engagée pour 4 ans, jusqu'à la majorité de son fils, Louis. La veuve passe soudain de l'ombre à la lumière. Tous les regards de la très conservatrice bourgeoisie de Reims sont fixés sur elle. Après la veuve Cliquot, Louise est la deuxième femme à diriger une maison de champagne dont elle détient la majorité des parts. Saura-t-elle profiter de l'effervescence du Second Empire pour hisser Pommery et Grenot parmi les grands noms du champagne? En dehors de Narcisse Grenot, elle s'appuie sur Henri Vanier, 26 ans, ancien employé de banque. Engagé il y a 2 ans comme représentant, il a fait ses preuves au sein de la maison. C'est ici que tout a commencé, Louise, avec quelques plants de vigne. Tenez. Goûtez. Merci, Henri. Trop acide. Rien de plus normal. Pour élaborer un bon vin, il faut du temps. Et une organisation sérieuse. Alexandre le répétait souvent. Mais elle est là, madame. Nous trois. Pommery, Grenot, Vanier. Prêts à continuer une production de qualité. Unis comme les trois cépages du champagne. Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Exact. Louise... Voici ce que je vous propose. Monsieur Vanier restera à Reims dans nos bureaux pour s'occuper de la marche générale des affaires. Je ferai la chasse aux mauvais payeurs. Et moi aux bons clients. Je vais reprendre mes voyages en Belgique, en Hollande, trouver de nouveaux agents, promouvoir notre champagne. Et notre réputation. Plus notre clientèle sera satisfaite, plus nos activités vont prospérer. Dans 2 ans et demi, comme convenu avec votre mari, je me retirerai de l'entreprise. Et d'ici là, nous allons redoubler d'efforts. Nous? Et moi, monsieur Grenot? Comment cela? Quelle sera ma place? Je ne vais pas me contenter de signer des chèques ou de me promener à l'ombre de nos vignes. Non, bien entendu. Vous ferez ma foi, je ne sais pas comme bon vous semble. C'est vous le patron, enfin la patronne. Nous pensons juste, grâce à notre expérience, pouvoir vous aider à trouver des idées. Si vous jugez cela inutile... Certainement pas. Mais moi aussi, je veux vous aider, Henri. Et je dois comprendre comment notre maison fonctionne, m'impliquer dans chaque décision. Je compte sur vous. En réalité, je compte sur moi. Ma place, c'est à moi de la créer. Greno et Henri font preuve de bonne volonté, mais ils n'ont jamais travaillé avec une femme, encore moins sous ses ordres. Je leur fais peur. Comment les blâmer ? Les femmes ne peuvent exercer un métier sans l'accord de leur mari, ni disposer de leur salaire. Dans mon malheur, je suis une privilégiée. Le veuvage m'a rendu ma liberté. Une chance inouïe s'offre à moi alors. Je veux tout connaître du champagne. Aujourd'hui, j'ai demandé à Olivier Damas, notre chef de cave, le grand maître des assemblages, de m'emmener visiter nos caves. Il a fait la grimace. J'ai fait mine de ne rien voir. Allons-y, j'ai soif de savoir. Une fois en bouteille, le vin est descendu en cave. On lui met un bouchon provisoire et on l'installe ici, à l'horizontale, pour la deuxième fermentation. Et c'est à ce moment-là qu'il devient effervescent. La prise de mousse, n'est-ce pas ? Elle dure combien de temps ? 10 mois, au moins. Ah oui, et un bon champagne, ça se prépare pas comme une omelette. Et les deux requièrent un certain talent. Peut-être. Je suis pas cuisinier. Chacun son domaine. Vous avez raison, monsieur Damas. Et mon domaine, désormais, c'est le même que le vôtre. Pommerie et Greno. Ne l'oubliez pas. Aucun risque. Suivez-moi. Attention. Voilà. Ensuite, on passe à l'étape du remuage. Très délicate. Et réalisée par nos remueurs qui sont ici. Bonjour, messieurs. Bonjour, un peu bruit. Chaque jour, ils font pivoter d'un quart de tour les bouteilles placées sur cette table. Pour les amener à la verticale, la tête en bas. Jean, vous nous montrez ? Avec plaisir, monsieur Damas. Vous voyez, madame Pommery, quand je tourne la bouteille, le dépôt, il glisse dans le col. Et il y reste. Ingénieux. Ça empêche que le vin soit flou. Après, suffit d'expulser le dépôt. On appelle ça le dégorgement. Qui a eu l'idée de cette table de remuage ? C'est la veuve Clicquot, madame. À la bonne heure. Bravo à elle. Il n'y a pas de honte à rendre hommage à la concurrence quand elle a de bonnes idées. C'est rien. Juste un rat qui a grignoté la ficelle d'un bouchon. Ah bon ? Il y a des rats ? Oh là, si vous saviez. Il y en a plein. Plein ? Bien. Monsieur Damas, je regrette. J'ai oublié. J'ai un rendez-vous dans mon bureau. Merci, messieurs. Au fil des mois, Madame Pommery prend ses marques. Convaincue qu'il faut viser le haut de gamme, elle accorde une importance majeure à la notion d'image. En janvier 1860, malgré les réticences d'Henri Vanier, Louise ouvre sa première boutique à Paris, boulevard des Italiens, entre le tailleur de l'empereur et un grand bijoutier. Très vite, la production dépasse les 100 000 bouteilles, les ventes sont en hausse. Dopée par son succès, Louise s'investit dans le choix des vins et des cuvées. À l'été 1860, Narcisse Greno quitte son statut d'associé. Madame Pommery se retrouve seule aux commandes. Elle va rendre visite à la grande dame de la Champagne. Quel calme. Je ne me lasse pas de contempler vos arbres. J'ai ouï dire que vous aussi avez acheté un château. Un château ? De mon côté, j'ai ouï dire que vous étiez morte. Jugez un peu. Dieu, que ces bourgeois désœuvrés mérissent avec leurs ragots. Ils ne nous laisseront jamais en paix. Normal, nous les dérangeons. Ces braves gens ne considèrent pas les patrons d'entreprise comme faisant partie de leur monde. Ils les jugent trop audacieux, trop risquent tout. Si en plus ce sont des patronnes, quelle faute de goût. Alors, ce château, il n'existe pas. J'ai investi dans un grand terrain, voilà tout. Où donc ? Sur la montagne de Reims, à Chigny. J'y ferai construire un chalet. Ce sera modeste, mais il y aura un grand parc avec des roses. Ma passion. Ma seule passion, c'est le champagne. Savez-vous que je me suis mariée dans une cave ? Au milieu des rats ? Nous avions d'autres invités plus présentables, quoique... Mes caves me manquent. Longtemps, je les ai parcourues la nuit pour contrôler l'évolution de mes cuvées. Comme une mère veille sur ses petits. J'ai une surprise pour vous. Un excellent cru. Veuve Pommery? Le nouveau nom de Pommery et Grenot. Il sonne bien. Bravo. Bienvenue dans le cercle fermé du Champagne, où deux femmes exercent le pouvoir, mais toujours pas le droit de vote. Comment avez-vous fait pour conquérir la Russie? Nous y voilà. Vous venez acheter mes secrets avec une malheureuse bouteille. Pour la Russie, c'est simple. J'ai forcé le blocus de Napoléon Ier. Mais d'abord, j'ai suivi... Quoi donc? Qui? Mon intuition. Moi aussi, je suis mon intuition. Me voici à Londres. La riche Angleterre offre de formidables possibilités. Ses navires parcourent toutes les mers et elle n'est pas encore assiégée par nos concurrents. Imposer ici la marque Pommery, ce serait une consécration. Une occasion de conquérir le monde, qui sait? C'est bon d'être seule. Alexandre me manque, mais je n'ai aucun désir de refaire ma vie. J'ai bien trop à penser. Et je veux préserver mes enfants. Je me sens coupable. Pour la première fois depuis sa naissance, j'ai laissé ma petite fille. Son grand frère veille sur elle, mais elle n'a que 3 ans. La bonne société de Reims va me traiter de mère indigne. Elle aura raison. Pourvu que ma Louise ne tombe pas malade et... Non, ça suffit avec la peur. Je suis à Londres, j'entends profiter de la ville, de la vie. Je vais chercher des idées pour mon champagne et acheter des roses pour mon parc de Chigny. Du champagne et des roses, peut-on rêver plus joli duo? Entrez. Mère, vous êtes souffrante? Ce voyage à Londres m'a épuisée. Où est ma fille? Où est Louise? Ah, oh, te voilà mon trésor. Tu m'as manqué. Louis, on joue? Allez! Non, impossible, ma Louison, je dois étudier. Non, viens, tout de suite! Aïe, lâche-moi, tu me fais mal! Louise, on va jouer toutes les deux, mais d'abord, viens m'embrasser. Non, je veux jouer avec Louis, pas avec toi! Louise, reviens tout de suite! Laisse-la. Mère, que se passe-t-il? J'arrête. Le champagne, c'est fini. Vous plaisantez? Pas du tout. Henri Vanier m'attend dans mon bureau d'ici une demi-heure pour parler de l'Angleterre. Dis-lui d'aller au diable. Je lui dirai que vous le verrez dans 2 heures, le temps de chasser vos idées noires. À quoi bon me donner du mal? J'ai tout gâché, ma propre fille ne veut plus de moi. Pendant votre absence, Louise vous a réclamé du matin au soir. Où elle est, maman chérie? Où elle est, maman chérie? C'est vrai? Oui, c'était lassant. Et elle ne m'a pas fait un seul câlin. Coquine. Essayez de dormir. Veuve Pommery a besoin de vous. Henri, le marché anglais est fait pour nous. Il veut des vins de grande qualité. Il est prêt à les payer cher. Il s'ouvre à de nouvelles marques. C'est le moment. Je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Il y a 2 ans, nous avons conclu un contrat avec un négociant de Londres. Il n'a pas vendu une seule caisse de notre champagne. Il y a 2 ans, la France et l'Angleterre n'avaient pas encore signé leur accord de libre-échange. Depuis le 23 janvier 1860, c'en est fini du protectionnisme. La donne a changé. La donne peut-être, mais pas les Anglais. Je m'en méfie. The Widow. Vous savez qui c'est? Oui, quand même. La veuve. Pas n'importe laquelle. À Londres, celle que l'on nomme ainsi, c'est la veuve Clicquot, pas la veuve Pommery. Je vous le répète depuis des années, il nous manque une image forte. Nous devons faire mousser notre marque. La formule est belle, mais concrètement, que faire? Il nous faut quelqu'un sur place, en permanence. Ne comptez pas sur moi, Louise. Je reste ici, à Reims, au comptoir. Ça ne sera pas vous, mais quelqu'un de tout aussi exceptionnel. Où le trouver? C'est mon affaire. Je dirige cette maison, non? Louise Pommery embauche bientôt un jeune commercial habitué à la clientèle anglaise. Elle lui loue un bureau au cœur de Londres et se tient informée des tendances du marché. Si l'Angleterre connaît encore la croissance, il n'en va pas de même du reste de l'Europe. Depuis le début de la guerre de sécession aux États-Unis, en avril 1861, la crise économique sévit. À Paris comme à Reims, les négociants sont aux abois. Malgré la pression, Louise maintient des prix élevés. Son argument ? Si Veuve Pommerie affiche un prix inférieur à celui de la concurrence, on en conclura que son vin est inférieur. J'avais raison. Vendre cher, c'est le seul moyen de se faire respecter. Je sens poindre le succès. Enfin. La récolte dépasse nos espérances. Notre vin a une délicatesse, une rondeur que rien ne saurait exprimer. Je le trouve différent des crus précédents, plus parfumé, plus long en bouche. 1865 est une cuvée d'exception. Oh mon Dieu! Je viens de réaliser que mon fils est majeur depuis 3 ans. J'étais supposée lui céder ma place. Louis, pourquoi ne m'avoir rien dit? Depuis tout ce temps? À vrai dire, je n'y ai pas pensé. C'est ça, prends-moi pour une imbécile. Alors? Je n'ai pas osé. Et Henri? Il n'a pas osé non plus. Je lui ai interdit de vous en parler. Pourquoi? Veuve Pommerie ne t'intéresse pas? Si, au contraire, mais je dois terminer ma thèse. C'est un gros travail, vous savez. Sa rédaction me prend un temps précieux, elle m'obsède. Pire, elle m'empêche de dormir et je ne... Mère, rendez-moi ces feuilles. Thèse de Monsieur Louis Pommerie sur l'imputation des paiements. Mère, s'il vous plaît. Je ne comprends rien à cette thèse, mais je vois qu'elle fait 400 pages et que sur la dernière est écrit le mot « fin ». Louis ? Vous êtes redoutable. Je ne veux pas vous priver de votre passion. Voilà la vérité. Je suis jeune, je peux attendre. Je vous vois si heureuse, si épanouie. Veuve Pommerie, c'est devenu votre vie. Je me trompe ? Non, j'ai pris goût au champagne, enfin, aux affaires. Un peu ? Un tout petit peu, oui. Et je trouve cela formidable. Courageux. Père serait fier de vous. Moi, en tout cas, je le suis. Merci. Mais il est temps que je m'efface. Baliverne, c'est votre raison qui parle. Votre cœur, que dit-il ? Mon cœur ? Il me dit de me retirer à la majorité de ma fille, dans 10 ans. Louis a raison. Je suis incapable de quitter mon entreprise. Pas avant d'avoir conquis le marché anglais. Je fonde de grands espoirs dans notre cuvée 1865 pour imposer notre marque. Je vais frapper fort, mettre à la disposition de notre agent de Londres 163 000 bouteilles, pas une de moins. Ce cher Henri va faire une syncope, tant pis. En attendant les chiffres des ventes en Angleterre, Louise redouble d'énergie. Levée à 5 heures, elle rédige son courrier et passe du temps avec sa fille. Puis elle reçoit des vignerons, des journalistes ou invite des clients à déjeuner dans son chalet de Chigny. Mais le plus important, ce sont ses employés, qu'elle considère comme sa deuxième famille. Depuis mai 1864, le droit de grève est autorisé en France, mais les conditions de vie des ouvriers restent précaires. Les ceps de vigne sont intacts. Vous voyez ? Cette année encore, la champagne a échappé au phylloxéra. Nos raisins se portent bien. Et nos ouvriers, Henri ? Comment se portent-ils ? Mais bien. J'aimerais qu'ils se portent mieux. Vous avez peur d'une grève ? Je ne plaisante pas. Instaurons une vraie politique sociale. Vous croirez entendre Napoléon III. Comme lui, je me soucie de la condition ouvrière. Ma mère m'a élevée dans le respect et l'attention portée aux autres, quelle que soit leur origine. Que comptez-vous faire ? Augmenter les salaires ? Pour commencer, j'aimerais aussi inventer une assistance en cas de maladie. Dans nos caves, la température ne dépasse pas les 10 degrés. Nos employés sont soumis à rude épreuve. Comme tous ceux qui travaillent pour des maisons de champagne. Ce n'est pas une raison. Ah, et je souhaite réfléchir avec vous à mettre en place une caisse de retraite. Personne ici n'a jamais fait ça. Si, la veuve Clicquot, je crois. Mais je compte aller plus loin, plus vite. Ça, pour aller plus vite, nous allons courir. Droit à la faillite. Ne soyez pas si théâtral. Tous ceux qui prennent part à nos succès ont le droit d'en profiter. Tenez, dès demain, vous ferez donner un verre de champagne aux ouvriers à leur arrivée aux caves. Avant de travailler ? C'est important de savoir pourquoi on se donne du mal. Vous appellerez ça boisson mousseuse pour le personnel. Triste nouvelle. La ville de Reims a perdu sa reine. La grande dame de la Champagne n'est plus. Je me sens orpheline. À qui vais-je demander des conseils à présent ? Ce matin, j'ai cueilli des roses dans mon parc. Je les déposerai sur sa tombe et ce soir, je déboucherai une bouteille de champagne en son honneur. Je trinquerai à la paix de son âme et à l'avenir de nos deux maisons. Adieu, chère Klikovskoé. Et merci. Vous m'avez ouvert la voie, vous m'avez prise au sérieux. Je ne l'oublierai jamais. Après la mort de la veuve Clicquot, survenue en juillet 1866, Madame Pommery décide de prendre Louis comme associé. Veuve Pommery devient veuve Pommery et fils. Fin 1867, en lisant un rapport de son agent de Londres, elle pense avoir trouvé le moyen de creuser l'écart avec ses concurrents. Les goûts de la haute société anglaise ont évolué. Elle veut des vins secs, moins sucrés, moins chargés en alcool. Votre avis, monsieur Damas, c'est faisable ? C'est compliqué. Pour diminuer le sucre, il faut au départ des raisins bien mûrs. Cela signifie retarder les dates de vendange, allonger la période du vieillissement en cave pour que le vin prenne de la rondeur. Cela signifie plus de stock, donc plus de coûts. Henri, tout ne se réduit pas à des questions d'argent. Le champagne, c'est un art. Messieurs, je crois le moment venu de bouleverser nos habitudes, d'inventer un vrai style, audacieux, visionnaire. Beau défi, non ? Ou sacré cauchemar. Tandis que son chef de cave s'attelle à sa mission, Madame Pommery achète des terrains au sud de Reims, sur la butte Saint-Nicaise, au lieu-dit Les Crayères. Ses anciennes carrières gallo-romaines, au sous-sol riche en craie, recèlent un immense labyrinthe de galeries, de quoi constituer d'excellentes caves. Louise lance les travaux d'aménagement, mais à l'été 1870, la France et la Prusse entrent en guerre. À Reims, le haut commandement prussien établit ses quartiers, rue Vautier-le-Noir, chez la veuve Pommery. Maudits Prussiens. Par leur faute, j'ai dû interrompre le chantier aux Crayères. La récolte Pommery est une catastrophe, et pour cause, mon personnel est parti aux armées. L'entreprise tourne au ralenti, et moi, j'enrage. L'autre jour, un officier ennemi s'est étonné de me voir rester seule ici, avec ma fille de 13 ans. Je lui ai montré un revolver qui ne me quitte jamais. Il m'a dit « Rangez cette arme. Ici, ce ne sont pas les Prussiens qui désarment les dames, mais les dames qui désarment les Prussiens. » Avec Louise, nous n'avons pas ri à son bon mot. Pas question de le flatter. Il faut tenir, avec panache et courage. Pour une fois, cela me sert d'être une femme. Grâce à ma sensiblerie, j'ai pu intercéder auprès de l'envahisseur pour sauver plusieurs de mes compatriotes. L'armistice est signé le 28 janvier 1871, marquant la fin d'une sombre période de souffrance et d'humiliation. Peu à peu, les affaires reprennent. Eh bien, monsieur Damas, lavons-nous notre fameux vin sec. Goûtez-le. Louis, qu'en penses-tu ? Je lui trouve un excès de gaz et encore un excès de sucre. Et vous, Jean ? Moi, je suis qu'un remueur, Madame Pommery. J'y connais rien. Vous appréciez le vin ? Oui. Donc votre avis m'intéresse ? Ben, en vrai, il me fait mal aux dents. Et aux oreilles. Exact. Il est acide. On dirait du miel fondu dans du vinaigre. Il est mauvais, c'est tout. Et il a un arrière-goût de bouchon. Sauf votre respect, monsieur Damas. Incroyable que nos vins puissent encore avoir ce problème. Prenez ma place, monsieur Vanier. Quittez votre comptoir, devenez chef de cave. Messieurs, calmez-vous. Oui, un peu de patience. Un bon champagne ne se prépare pas comme une omelette. N'est-ce pas, monsieur Damas ? Nous allons finir par le créer, notre style Pommery. Louise Pommery voit juste. En 1874, sa maison invente le premier champagne brut nature. À teneur réduite en sucre, il peut être consommé tout au long du repas et non plus seulement au dessert. Très vite, le Pommery Nature 1874 entre dans la légende. Il obtient un triomphe en Angleterre, devient le fleuron de la marque et propage sa renommée aux États-Unis, puis dans le monde entier. La boucle est bouclée. Voici le veuf Pommery en Russie, sur les terres du veuf Cliquot. Je suis fière du chemin parcouru. Dommage que mon cher Alexandre ne soit plus là pour le voir. Notre Louise a 18 ans, elle va se marier. Je devrais à mon tour songer au mariage. Façon de parler, car je suis très bien toute seule. Un mariage d'affaires, avec Henri Vanier. Après 20 ans de fidélité et de disputes, il mérite de devenir associé. Nous allons dépasser le cap d'un million de bouteilles vendues. Dès demain, je m'occupe d'organiser une fête pour le personnel. J'y convierai les notables de Reims et les journalistes. La réputation d'une maison s'entretient, tel un jardin. Mais avant, ce soir, comme tous les soirs, j'irai flâner aux Crayères, dans le dédale de mes caves. J'ai baptisé chaque galerie du nom des grandes villes où l'on vend du Pommery. Après New York, Saint-Pétersbourg, quelle sera la prochaine ? Rio de Janeiro ? Louise Pommery, une veuve à la conquête du champagne, de Corinne Klomp, avec Louise Pommery, Peggy Martineau, la veuve Cliquot, Clémentine Yelnik, Narcisse Grenot, Philippe Bautier, Henri Vanier, Aurélien Labruyère, le fils Pommery, Quentin Barbosa, Olivier Damas, Thibault Lacour, Jean, Sébastien Faglin, la petite Louise, Carole Madalena, et la voix d'Olivier Sadouane. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Manuel Couturier et Pierre Henry, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Juliette Eman. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Louise Pommery et l'histoire du champagne avec mon invité Yves Tesson. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blá. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. E uma menina classe média assim juntar os trapos, romper as barreiras de um país que ainda pensa assim. Hoje moramos na cidade grande, mas nossa casa é do interior. Mais au primaire, à mort de Luca Santana et Duda Beat sur France Inter, autant n'emporte l'histoire, une émission réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, musique choisie par Thierry Dupin, à la technique Mathias Alléon. Yves Tesson, Louise Pommery, donc, va mourir en 1890, à l'âge de 70 ans, à la tête d'une belle fortune, et après une vie assez incroyable, cette femme qui s'est retrouvée veuve à 39 ans, qui reprend la petite entreprise de champagne de son mari, et va en faire une des plus grandes maisons de champagne, au rayonnement international. Comment expliquer une telle réussite? C'est quand même assez rare pour une femme, notamment au 19e siècle. Les femmes, en fait, avaient des statuts de mineures toujours dans leur vie. Quand elles n'étaient pas mariées, elles dépendaient de leurs parents. Quand elles étaient mariées, elles dépendaient de leur mari. Et jamais elles faisaient des affaires seules. Il y a une exception, et ça aussi bien sous l'Ancien Régime qu'au XIXe siècle, c'est les veuves. Dans les réglementations des corporations, sous l'Ancien Régime, il y avait un statut spécifique pour les veuves, pour leur permettre de continuer à faire des affaires, etc. Et on voit bien que ces femmes dérangent toujours un peu. Et d'ailleurs, dans le cas de la veuve Pommery, comme de la veuve Clicquot, on voit toujours à côté quand même une figure masculine un peu rassurante pour la société qui venait un petit peu les épauler. Chez la veuve Clicquot, c'était Édouard Verlet, qui l'a sauvé de la faillite dans les années 1820, parce que la veuve Clicquot avait investi dans la banque, sur les conseils de Georges Kessler. Et puis, il y a Henri Vanier, ce fameux Henri Vanier, qui a été recruté par le mari de la veuve Pommery, et qui va aussi accompagner la veuve Pommery dans toutes ses affaires. Mais ça n'empêche que c'était des vraies patronnes. Hein. Oui, donc c'est quand même un peu leur talent aussi à ces femmes. Donc Louise Pommery, la veuve Clicquot, talent d'innovatrice aussi, énergie, sens commercial, on l'a remarqué de ces femmes. Tout à fait, d'autant que on l'a dit tout à l'heure, le champagne pour la veuve Clicquot par exemple au début du 19e siècle, fallait être quand même assez audacieux pour se lancer là-dedans. On a vu les pertes qu'il pouvait y avoir, les conditions de voyage des bouteilles, parce que le champagne était un vin quasiment exclusivement d'export, donc on avait des cargaisons qui partaient en bateau un petit peu partout en Europe. Dans un contexte politique qui était très compliqué pour la veuve Clicquot, parce qu'on est en plein dans les guerres napoléoniennes, et donc on va voir d'ailleurs que la veuve Clicquot a beaucoup d'audace. C'est elle qui, la première, va contourner le blocus vers la Russie. C'est comme ça qu'elle va reconquérir le marché russe, la première. Dès que le blocus se termine, elle a déjà un navire qui est prêt à arriver en Russie. Et donc elle va faire un coup formidable comme ça. En Russie, veuve Clicquot, ça voulait quasiment dire champagne, effectivement. Effectivement, on s'aperçoit que les goûts selon les marchés étaient très très différents. Vous regardez la Russie, on buvait le champagne, on n'imagine pas aujourd'hui, mais très très sucré, avec des liqueurs d'expédition, de dosage, qui pouvaient représenter jusqu'à un tiers de la bouteille, et ça représentait parfois 300 grammes de sucre dans une bouteille, on ne le représente pas. Donc c'était bu frappé, très frais. Et au contraire, par exemple, le goût anglais, ça va être, vous savez, les Anglais ont toujours très bon goût en matière de vin, c'est vraiment le marché référence pour le vin, encore aujourd'hui. Et donc, ils buvaient le champagne beaucoup plus sec. C'est eux qui vont lancer la mode des vins secs. Et en fait, les commis voyageurs qu'avaient ces veuves leur décrivaient dans leur longue correspondance à chaque fois les goûts des différents marchés et ont composé les vins en fonction des marchés dans lesquels on les envoyait. C'est ça le génie du négoce, en fait. C'est de savoir bien mélanger les vins aussi. Et de bien savoir assembler les vins. Voilà. Et alors, ça me permet d'ailleurs de rebondir sur pourquoi est-ce que on avait des marques qui s'appelaient Veuve Clicquot ou Veuve Pommery, ce qui peut paraître surprenant. C'est parce que dans le champagne, à la différence des autres vins, on peut pas nommer le vin du nom d'un cru, puisqu'on est dans des assemblages où parfois il y a plusieurs centaines de crus différents. Qui est-ce qui garantit le style du vin? Eh bien, c'est la famille. Voilà, c'est ça qui explique qu'on a ces noms-là. Et c'est ça aussi qui va garantir le succès international, en fait, du champagne. C'est que on avait quelques noms de famille, des marques très lisibles, très faciles, et donc à comprendre pour le public étranger. Et donc, ça a facilité, évidemment, énormément l'exportation. Est-ce que vous pensez que ces deux femmes, la veuve Clicquot, qui est donc plus âgée, et la veuve Pommery, se sont rencontrées on peut l'imaginer. Je me suis posé la question en écoutant. Je me suis dit que c'était amusant parce qu'elles étaient certainement concurrentes. Mais à vrai dire, pourquoi pas? Oui. Je veux dire, le monde du champagne, aujourd'hui encore, est un petit monde. Oui, c'était pas très grand tout ça. Ça se passe à Reims ou à Épernay. Le Second Empire a aussi peut-être été une des raisons de ce succès. C'est une période de développement commercial en France. France. Le libre-échange de Napoléon III a beaucoup joué. Vous savez d'ailleurs, les maisons de champagne qui se sont syndiquées très tôt en 1882, l'ancêtre de l'Union des maisons de champagne, le syndicat du commerce des vins de champagne, où il y avait toutes les grandes maisons, les grandes marques, un de leurs grands combats, c'était justement de défendre le libéralisme, l'ouverture des frontières. Et leurs grands ennemis, c'était le midi viticole, qui produisait un vin de masse, essentiellement pour le marché intérieur, et dont la concurrence était les vins grecs, etc. Et donc, à l'Assemblée nationale, ces lobbies bataillaient sec. Et d'ailleurs, la conquête du marché intérieur s'est faite très tardivement dans le champagne. Finalement, c'est après les années 50, quand il y a eu une nouvelle vague de démocratisation du champagne, et quand 1950. Il y a eu aussi, après les années 1950, oui, que la conquête du marché intérieur s'est faite. Donc, dans les années, en fait, où les vignerons se sont mis à produire leur propre champagne. Et donc là, on a eu un nouveau type de champagne qui a conquis le marché intérieur. Mais sinon, on a d'abord commencé par l'export avant d'attaquer le marché intérieur, ce qui est assez original. Le succès de Madame Pommery, la veuve Pommery, a quand même dû faire face à des difficultés. On l'a entendu, notamment pendant les guerres. Il y a eu la guerre de 1870, puisque la Champagne, c'est sur la route des invasions. Donc, la guerre de 70. Ensuite, ce sera un peu après la mort de Louise Pommery. Il y aura la crise du phylloxéra et puis la guerre de 14-18, surtout. Mais alors, vous avez raison de le souligner. La Champagne, c'est le champ de bataille de l'Europe depuis des siècles et des siècles. Et c'est une terre gorgée de sang sur laquelle pousse le vin de la fête, ce qui est un paradoxe. Oui. Vous avez raison de souligner le phylloxéra, la guerre de 1870, mais surtout le phylloxéra qui a vraiment nécessité une replantation intégrale du vignoble, hein, comme partout ailleurs. La Première Guerre mondiale, c'est pas seulement la destruction totale de Reims, hein, c'est le front, la ligne de front qui passe au milieu du vignoble, et aussi c'est la fermeture de nombreux marchés, parce que cette Première Guerre mondiale débouche aussi sur la grande période des prohibitions et de la prohibition aux États-Unis. C'était un marché très important. Donc on a la prohibition dans les années 20 et après vous avez la crise des années 30. Et ensuite vous avez la Seconde Guerre mondiale et les pillages de l'armée allemande dans les caves des maisons. Donc en fait, le niveau des expéditions d'avant 14, on ne l'a retrouvé que dans les années 50. Mais ça a été une période extrêmement prolifique pour la Champagne parce que c'est dans ce contexte qu'est née toute la structure interprofessionnelle où les vignerons et les négociants se sont rapprochés, se sont unis pour pouvoir faire face ensemble à toutes ces crises qu'ils devaient affronter pour que le champagne survive. Et donc c'est là où on a mieux redistribué par exemple la valeur créée autour du champagne en fixant collectivement le prix du raisin, en fixant les rendements collectivement dans les années 30 et ça a permis de construire cette appellation champagne très forte qui a fait son succès pendant les Trente Glorieuses et jusqu'à aujourd'hui. Merci Yves Tesson, vous êtes l'auteur d'un livre sur l'histoire de la maison Bilcar-Salmon à l'occasion de son bicentenaire, édité chez Talendi en 2018, et de nombreux articles scientifiques sur l'histoire du champagne. À lire également un hors-série de la revue des Deux Mondes, paru en 2016, Le Champagne dans la Grande Histoire. Et je signale par ailleurs un excellent spectacle, très enlevé, très champagne, La Dame de chez Maxime de Georges Feydeau, actuellement au théâtre de la Porte Saint-Martin, dans la mise en scène de Zabou Bretman, un spectacle France Inter. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, changement complet de décor, nous partirons à Florence en compagnie de Sandro Botticelli, le grand peintre de la Renaissance, un des premiers à représenter des hommes et des femmes nus. Une quête de la beauté qui n'a rien pour plaire au prédicateur Savonarole qui, à la fin du XVe siècle, sème la terreur à Florence. Botticelli monte au bûcher. C'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Juste après le flash, dans quelques minutes, ne manquez pas votre rendez-vous avec Nadia Dame pour Modern Love. Excellente soirée sur France Inter.